voyageur, se souvenant de ma gloire première, et ses yeux vainement chercheront ma splendeur, ils ne trouveront plus que deuil et que misère. Il n'est plus de remords, il n'est plus de tourments, il n'y a plus de douleur, il n'y a plus de...